caisse, pas faire un tour en ville, à regarder comment les gens s'ignorent et se défilent. Moi je crois qu'ils courent tous après la monnaie. Et je ne suis pas ton ennemi, pourquoi tu me dévisages? Au départ t'étais si sage, quand il n'y avait pas le rap. Et je me rappelle de l'époque, des foires de maths dans le bus avec Chicho, de l'après-midi Martini avec Chico. Le genre d'instant caché que tu kiffes souvent trop tard, du genre des délires de la classe de Monsieur Cropard. C'est vrai, j'ai des potes tout par, mais tellement peu que je connais. Et si tu veux mon avis, le jour où ça ira mal, je sais les gens qui seront là, les gens qui n'y seront pas. Les gens bien se font rares. Avoue que c'est stupide de perdre un pote pour un CD ou pour un art.